Deuxième partie. 1. Novembre était venu. « Oui, dit un jour Henriette, il te faudrait au moins avoir de quoi mettre ton enfant au sec quand il sera là. » Aline prit son fil et sa toile et se mit à coudre. Sa mère avait fait le compte. 2 ou 3 langes, 4 chemises et puis des mouchoirs. « Tu as de la besogne tant que tu voudras et juste le temps. » La toile était grossière, les petits des pauvres n'ont pas des draps fins. Aline cousait, les doigts s'envolent, l'aiguille brille. Mais c'est un ouvrage qu'elle n'aimait pas faire, elle le faisait parce qu'il le fallait. Et Henriette la surveillait, assise à côté d'elle et disant à tout moment « C'est pas comme ça, à quoi est-ce que ça sert de t'avoir appris? Regarde-moi ça, c'est tout plissé, une misère !» Elle prenait l'ouvrage et défaisait tout. Aline s'appliquait pourtant tant qu'elle pouvait. Seulement, il faut que l'ourlet soit bien droit, il faut encore que les points soient égaux, et faire attention de ne pas casser son fil. Il y a tant de choses qu'on s'y perd. Et elles étaient là, rien que les deux, en face l'une de l'autre, avec l'hiver dehors. Elles étaient là, rien que les deux. La cuisine avait 4 murs et sa petite fenêtre. Il faisait triste. Elle ne parlait pas. Et Aline pensait au petit qu'elle aurait. Elle se demandait, comment est-ce qu'il fera pour sortir? Est-ce qu'on a mal? Oh, on doit avoir bien mal. Elle se rappelait des amis qui avaient eu des petits frères. Elle disait, on nous a mises dans la chambre d'en haut, mais on a bien entendu maman crier tout de même. Il y a la sage-femme qui vient, et des fois aussi le médecin. Et Aline avait bien peur. Puis elle se disait, comment est-ce qu'il sera? Je me demande, comme c'est drôle d'avoir un petit garçon, ou bien ce sera peut-être une petite fille, on ne sait jamais d'avance, c'est seulement quand ils sont là, ça fait toujours une surprise, mais j'aimerais mieux un garçon. Elle l'imaginait dans ses pensées, il aurait une grosse tête et des cuisses comme des saucissons ficelés. Elle voyait aussi la robe qu'il aurait mise, ils font bien plaisir quand ils commencent à parler. Et puis, tout à coup, elle se souvenait qu'elle n'était pas comme les autres. Les autres qui ont un mari peuvent être joyeuses et beaucoup rire. Elles mangent tout le jour pour avoir du lait. Le soir, à la fraîcheur, elles prennent leurs enfants. Elles s'en vont dans le village de porte en porte. On leur dit « Comment ça va ?»« Pas mal, merci. Et le petit ?»« Oh, le petit, regardez-moi ça !»« Oh, le beau petit » »« N'est-ce pas ? Savez-vous combien il pèse ? Il fait déjà ses 5 kilos. »« Pas possible !» Et la mère est toute heureuse, qu'on ne veuille pas la croire. Seulement, les enfants qui n'ont pas de père, ceux-là, on n'ose pas les montrer. On les garde à la maison, on les fait taire quand ils crient. Ils deviennent grands et vont à l'école. Les autres enfants ne jouent pas avec eux, on leur donne des noms. Aline pensait, ce n'est pas seulement moi qui suis punie. Lui aussi sera puni. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que Julien ne serait pas puni ? Elle sentait qu'il y a dans la vie des choses qui sont bien difficiles à comprendre. Les feuilles tombaient. Quand les feuilles tombent, l'une tombe, l'autre suit. Elles se montrent le chemin, elles disent « Venez-y » et se plaignent un peu en touchant la terre qui est froide et noire, et l'arbre reste en haut, comme 2 vieux bras qui attendent. Les bois ressemblent à des fumées, la campagne est mouillée et grise, avec les carrés noirs des forêts de sapins. Il n'y avait plus dans le jardin que 2 ou 3 choux qui laissaient pendre leurs feuilles flétries. Les autres étaient cueillis et enfouis sous la paille dans un coin. On ne pompait plus au puits. On voyait les toits qui s'étaient montrés avec la chute des feuilles. Ensuite, on entra dans le mois de décembre. Aline continuait à coudre. Elle cousait du matin au soir. Elle cousait une chemise, puis elle la mettait dans la corbeille. Et elle prenait un petit drap. Et le tas montait lentement dans la corbeille. Il n'arrivait rien d'autre dans sa vie. Elle ne sortait presque plus parce qu'on se retournait pour la voir et que les garçons riaient en dessous. Quelquefois, pourtant, elle était si triste qu'elle ne pouvait plus rester assise et elle se sauvait dehors. Elle allait un bout de chemin. L'herbe était courte et jaune comme du poil de bête et les buissons pareils à des pelotes de fil de fer. Elle marchait, le haut du corps en arrière, car son ventre devenait lourd. On voyait qu'elle était bien maigre. Quand il faisait sec, elle s'asseyait sous un arbre pour se reposer un petit moment. Elle aurait voulu pleurer, mais elle ne pouvait plus pleurer. Puis elle s'en revenait, et sa mère lui disait « Qu'as-tu encore à courir quand on est comme tu es ?» Et elle ne répondait pas, n'ayant plus le droit de rien dire. Elle n'avait plus que le droit de faire ce qu'on lui disait de faire. Et voici ce qu'elle aurait aimé faire, c'était d'aller vers sa mère et de lui demander pardon, de se mettre par terre devant elle et de poser sa tête sur ses genoux, pour que tout fût oublié. Mais Henriette restait fermée et sombre, et Aline n'osait pas. Et elle se remettait à coudre pendant qu'on allumait la lampe. Elle n'avait personne pour la plaindre. Il y a des paroles qui font du bien comme l'huile sur les brûlures. Elle n'avait que le silence. L'estomac lui faisait toujours bien mal. Il lui était venu aussi des taches jaunes le long du nez et un goût amer sur la langue. Ses joues étaient comme du papier sale. Elle avait tellement vieilli qu'on ne l'aurait pas reconnue. Et son ventre était devenu si gros qu'elle était effrayée de le voir. Vers la fin du mois, il gela. Les glaçons pendaient en longues barbes blanches aux fontaines. On entendit les sabots des vaches sonner sur la route durcie. Aline toussa davantage, couchant dans une chambre sans feu. Ensuite, elle eut des engelures. Ses doigts étaient si gros et si raides qu'elle ne pouvait presque plus les plier. Souvent la peau crevait et le sang sortait. Son aiguille lui paraissait pesante comme une barre de fer. Le petit chat jouait avec son peloton. Quand vint Noël, les cloches sonnèrent. C'est le jour de la joie et des promesses. On fait l'arbre dans l'église et les enfants viennent et les femmes viennent aussi pour voir. D'abord il fait sombre, on chante et on allume les bougies. Elles sont comme des petites larmes qui bougent parmi l'arbre vert et les noix d'or pendues. Le sapin est un grand sapin qui touche presque au plafond. Il y a une bougie tout au bout, avec une grande étoile, parce que, dans la nuit de Noël, les bergers virent l'étoile, et l'ayant suivie virent l'étable, la crèche et l'enfant Jésus. Mais Aline pensa que le bon Dieu l'avait abandonnée à cause de son péché. Puis, à minuit, la nuit de l'an, elle pensa « Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui peut venir quand le malheur est là? Deux ou trois mois qui passent, et le petit enfant? Et les saisons qui tournent comme une ronde sous les arbres ?» L'année s'ouvrit devant elle. C'était une longue route nue et droite où il faut marcher. On ne voit rien, loin devant soi, rien que la route. Elle fermait les yeux. Est-ce qu'on peut arrêter le temps qui passe? Ce n'est pas même de l'air qui passe qu'on sent passer. On ne sent pas le temps et on ne le voit pas, mais il passe quand même. Et le petit bougeait en elle. Elle se disait, les choses viennent, on ne peut pas les empêcher. Le froid dura longtemps car l'hiver était rude. Puis le ciel, comme une bouche ouverte, souffla une grande haleine chaude qui fit mollir les routes et tomber la neige des toits et verdir l'herbe dans les prés. On dit « Voilà l'hiver qui est bien malade !» Et les enfants couraient devant les maisons. Bientôt les vents de mars s'élancèrent d'au-delà les montagnes, bondissant par-dessus le lac qui le remue. Ensuite, alourdis d'eau, ils vinrent heurter les nuages dans un grand choc qui fendit le ciel. Et le ciel croula avec un grand bruit. Alors le soleil éclata et les primevères fleurirent. Il y a comme une voix qui encourage à vivre à cet endroit de l'année. Elle est dans l'oiseau qui crie dans le jour et dans les bourgeons qui se gonflent. Le printemps saute sur un pied par les chemins. On voit les vieux qui viennent sur la porte et hument l'air comme un qui a soif. Et font trois pas dans le jardin, levant la tête vers le bleu. Seulement, on vit mieux aussi les taches bleues autour des yeux d'Aline et les deux trous dans ses joues. Le jour de la délivrance approchait. 2. Au milieu de mars, elles eurent une première alerte. Henriette pensa, pourvu que le petit ne vienne pas avant terme, ce serait tout à la fois. Et, comme elle était précautionneuse, elle appela la sage-femme. La sage-femme vint un matin et entra sans heurter et dit « Bonjour, ça ne va pas ?» Elle avait une figure noire et une petite moustache. Elle prisait. Ensuite, elle éternuait et elle prisait de nouveau. Elle avait toujours une goutte brune qui lui pendait au bout du nez. On ne savait plus quel âge elle avait. Et si, parlant de quelqu'un, on disait « Il tourne bien mal ?» Elle, elle répondait « C'est le plus gros garçon que j'ai vu. » Et quand on parlait de quelqu'un d'autre, « Il est venu sans qu'on s'y attende. » Elle voyait le monde de cette manière. Elle avait toutes sortes de recettes dans son métier, et l'habitude faisait qu'elle s'essuyait tout le temps les mains à son tablier. Elle disait aux femmes « La belle affaire, toutes y passent, il n'y a qu'à vouloir. » Et on disait d'elle « Il faudrait aller loin pour en trouver une pareille, ça ne lui fait ni chaud ni froid. » Enfin, étant bien payée, avec un cadeau à chaque baptême, elle avait pu mettre de l'argent de côté, ce qui augmentait sa réputation. Elle examina Aline. Elle la trouva, comme elle disait, pauvre de sang et bien nerveuse. Mais il est connu que la jeune génération ne vaut pas l'ancienne. Et puis, les circonstances n'étaient pas pour aider. Elle tournait autour du lit en se mouchant dans son grand mouchoir rouge, parlant beaucoup et répétant « Oui, oui, on n'en est pas encore là. » Seulement, ajouta-t-elle, « D'ici 3 semaines, je ne dis pas. » Et il arriva, comme elle avait dit. Avril parut, poussant devant lui ses petits nuages comme des poules blanches dans un champ de bleuets. La journée avait été chaude. Les feuilles dépliées se dressaient dans l'air, ayant pris des forces, et on voyait trembler sur la campagne. Les douleurs commencèrent dans l'après-midi. Avec le soir, elles grandirent. La sage-femme dit « Hein, je ne m'étais pas tant trompée !» Et comme Aline gémissait « Ma fille, reprit-elle, crie seulement, ça soulage, et puis pousse quand tu sentiras que ça vient. » Après quoi, elle troussa ses manches pour être prête, mais rien ne pressait. Henriette avait mis sur le feu la grande marmite pleine d'eau. Les bûches pétillaient. Elle s'occupait comme une ménagère qui prépare le repas. Mais elle était bien émotionnée, quoiqu'elle s'en cachât. Ce qu'il faut surtout, dans ces moments-là, c'est de ne pas perdre la tête. Et elle se raidissait. La vapeur était rose, l'eau bouillait. La sage-femme but son café et mangea un morceau de pain et de fromage. Elle coupait son fromage sur la table avec la pointe de son couteau et piquait dedans d'une main. De l'autre, elle mordait son pain, elle vidait sa tasse à petite gorgée et puis la remplissait, disant « Moi, j'aime le café, ça me donne des forces, mais il me le faut chargé à la cartouche. » Et elles attendirent, toutes les deux. Dans la nuit, les douleurs devinrent plus vives. Aline commença de crier. Elle criait par intervalles, doucement, puis plus fort en montant, et cessant tout à coup. Alors elle se plaignait, et les cris reprenaient, longs et ensuite aigus, comme des pointes de rocher. Et quand elle était épuisée, sa tête tombait en arrière, et puis sa gorge se resserrait, et les cris recommençaient. La sage-femme se frotta sous le nez. « Oui, oui » dit-elle de nouveau. Et elle se moucha de nouveau, car elle faisait toujours ainsi. « Ne vous effrayez pas, j'examine, ça va. On crie, vous savez, c'est les nerfs. » Elle avait son amour-propre, qui était de faire seule, mais cette fois, c'était sérieux. Alors elle dit « Peut-être bien qu'un médecin ne serait pas de trop. » Le médecin arriva dans sa petite voiture. Il avait un grand cheval blanc qui trottait en levant haut les jambes. On entendit de loin le bruit clair des sabots sur la route, puis le roulement des roues. Et il parut. Il ôta sa pèlerine et son chapeau, puis il se lava les mains avec de l'eau chaude et du savon. Et il entra dans la chambre en cachant sa trousse derrière son dos. La porte resta ouverte pour qu'on pût aller et venir. Le petit chat, éclairé par le feu, dormait dans les copeaux, la tête entre ses pattes. Quand tout fut fini, les lampes pâlirent. C'était l'aube qui venait, grise et craintive. « Ah ! » dit le médecin, « il est heureux que les enfants ne fassent pas toujours tant de façons pour venir au monde. On n'en voudrait plus. » Et, montant sur le siège, il toucha du fouet le petit cheval qui partit comme le vent ayant mangé son avoine. Mais la sage-femme était de mauvaise humeur. Elle dit « C'est encore un faiseur d'embarras. Je l'aurais eu aussi bien que lui. » Sur le lit, il y avait Aline et le petit qui était né. On l'avait enroulé dans des langes. C'était un garçon. Aline était assoupie. Elle était blanche comme la mort, et ses cils faisaient de l'ombre sur ses joues. La chambre était en désordre. On avait tiré le lit au milieu du plancher. La seille où on avait baigné l'enfant était auprès, et, dans le coin, un tas de linge et de serviettes. Des habits traînaient sur les meubles. Cependant, les voisines, averties par la voiture du médecin, frappaient à la porte l'une après l'autre. Il y avait longtemps qu'elles n'étaient pas revenues. Quand on a fait ce qu'Aline avait fait, les honnêtes gens restent chez eux. Mais la curiosité était la plus forte. Et elle s'excusait, disant « Je suis venue voir comment ça allait. » La sage-femme leur répondait « Ça va bien. Tant mieux, je repasserai. » Et, une fois qu'elles étaient dehors, elle disait « Au premier enfant que j'ai eu, ça a été bien plus facile. J'ai laissé faire, voilà tout. Seulement, cette Aline, elle est punie, c'est bien fait. A-t-on besoin d'un médecin ? Et puis l'enfant, ça ne doit pas être grand-chose, Sylvie. » Alors toutes applaudissaient, et les langues branlaient comme les clochettes des vaches quand le petit berger claque du fouet. 3. Aline resta 15 jours au lit. Ensuite, on lui permit d'aller jusqu'au grand fauteuil à dossier droit près de la fenêtre. Elle s'asseyait là et allongeait ses jambes engourdies. Pendant ce temps, qui fut le temps du répit, elle fut comme les malades qui ont un sommeil lointain dans tout le corps et sont enfermés dans leur maladie, de telle façon qu'ils voient la vie effacée comme un jardin dans le brouillard. Les gens qui passent, les nuages, les fleurs et le soleil semblent les choses d'un autre monde. Il y a une séparation qui s'est faite, et la journée s'écoule d'un mouvement égal. Puis Aline vit son enfant dans les bras de sa mère. Alors elle fut impatiente de la voir tout à elle, pour s'y attacher, et s'empêcher d'être emportée et s'oublier aussi. Car les petits-enfants coûtent beaucoup de peine. Ils se salissent, il faut les bercer, leur donner à manger, et beaucoup d'autres choses qu'elle aurait voulu faire. Mais elle était trop faible encore. Elle regardait dehors. Des moineaux, tombant par grappes du toit, passaient devant les vitres comme des pierres noires. Un petit lilas se couvrait de verdure et ses feuilles, encore froissées, semblaient des papillons battant de l'aile au souffle du printemps. Mais la chambre était noire et triste, avec ses murs nus, ses poutres enfumées et sa fenêtre close. Henriette prétendait que l'air est mauvais pour les nouveau-nés. On respirait l'odeur aigre du lait. L'enfant n'avait pesé que 4 livres le jour de sa naissance, et son poids n'augmentait presque pas. Il avait une très grosse tête, comme tous les enfants qui viennent de naître, mais une tête plus grosse encore, et un tout petit corps. Ce n'était rien qu'un peu de chair. Sa figure était comme une boule rouge où il y avait des plis qui étaient les yeux et la bouche, et 2 trous qui étaient les narines. Il tenait ses poings serrés contre ses joues. Il n'avait pas de cheveux, ni de sourcils, mais une espèce de poil sur le front et sur les épaules. On le mettait couché dans une corbeille à linge posée sur 2 chaises. Le fond était garni d'une paillasse de feuilles de maïs avec un petit drap, et par-dessus une couverture de laine et un gros édredon pour qu'il fût bien au chaud. Mais, sitôt qu'on l'avait posé dans son berceau, il commençait à vagir. Il avait un petit cri si faible qu'il fallait s'approcher pour l'entendre, et son visage se gonflait et il entrouvait ses gencives nues. La sage-femme venait chaque jour apportant les nouvelles. « Vous savez, disait-elle à Henriette, on ne parle plus que de votre fille. Il faut voir ça, c'est comme un bâton dans une fourmilière. Et ce qu'on raconte, que le bébé a une tache de vin comme la main sur la figure parce que le père avait bu, et puis tout le reste. Ils ont la langue mauvaise. » « Ah, disait Henriette, laissez-les causer. » Peu à peu, cependant, Aline reprit des forces. Elle put se tenir debout, puis marcher. D'abord, elle marchait en branlant. Elle sentait le poids de sa tête comme une lourde pierre qui la faisait pencher de côté. Mais ensuite, ses pas s'affermirent. Elle prenait le petit contre elle et s'étonnait de ne pas le sentir tant il était léger. Elle pensait, Il ne pèse pas plus qu'une paille. Il faudra qu'il mange beaucoup. » Son grand bonheur aurait été de le nourrir elle-même, mais elle n'eut pas de lait, car tout lui fut refusé. Et l'enfant ne tétait au biberon qu'avec répugnance, se fatiguant vite. Le lait de vache était trop lourd pour son estomac frêle. Aline disait « Bois, mon petit, bois vite si tu veux être un grand garçon !» Seulement, les tout petits enfants ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ils n'ont qu'un peu de force pour remuer les jambes, et il fait nuit encore dans leur tête, comme dans une chambre au contrevent tiré. L'amour lui-même ne peut rien faire. Aline apprenait ainsi ce que les mères apprennent quand le moment est venu. Elle se heurte à cette vie obscure. Et puis, il y a tous les soins à donner et les crises à distinguer, qui sont ceux de la douleur et ceux de la faim, et ceux dont on ignore la cause, dont on dit c'est de la méchanceté. Elle posait l'enfant sur la table et déroulait ses bandes. Le petit ventre nu se montrait, tout renflé et blanc comme un ventre de grenouille, et la tête inerte roulait sur le coussin. Ou bien elle le baignait, il était si petit qu'il suffisait d'une cuvette. L'eau tiède ruisselait sur sa peau en petites boules brillantes, comme de la rosée. Aline avait les mains encore maladroites. Tantôt elles appuyaient trop fort, et tantôt hésitaient. Il semble qu'un rien va briser ses membres fragiles. Elle se perdait par moments dans ses soins. Alors le monde s'en va. Il n'y a plus qu'un petit enfant sur une table. Elle souriait parfois comme au temps de son bonheur. Elle chantait. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Dodo, l'enfant d'eau, pour avoir du bon gâteau. Mais son sourire ne s'ouvrait qu'à grand-peine, comme sous un fardeau. Et sa voix retombait comme un oiseau dans sa cage, parce que l'enfant pleurait. Il était si malingre qu'il faisait pitié. Et sa douleur revenait, et un soir encore ce fut la musique au village. Aline était assise près du berceau, on dansait à l'auberge, et ses souvenirs l'entraînèrent en arrière, jusque sous le grand poirier. Et une autre fois qu'elle fouillait dans un tiroir, ce furent les boucles d'oreilles que Julien lui avait données dans le petit bois au commencement de l'été. La boîte de carton avec les petits personnages peints dessus était encore enveloppée de son papier de soie. Les grains de corail ressemblaient à deux gouttes de sang pâle. C'était tout ce qui restait de son amour avec l'enfant. Elle se dit « Et lui, où est-il ? Ah ! Il ne pense plus à moi !» Les larmes lui vinrent aux yeux et elle se moucha sans bruit. Elle se soulevait ainsi, aussitôt reprise et ramenée, ayant comme une chaîne qui l'empêchait de fuir. Elle s'encourageait pourtant avec des paroles qu'elle se répétait dans le fond de son cœur, se disant encore « Il faut bien que je l'aime, ce petit, tant l'aimer pour lui faire du bien et qu'il prenne de la vie. C'est un mauvais temps à passer. Quand il aura son année, il ira tout seul. Il faut bien que je l'aime, puisqu'il n'a rien que moi. Maman est vieille. » Et on ne sait pas à son âge ce qui peut arriver. Et puis, il deviendra grand, pour quand je serai vieille aussi. » Et sa chair tressaillait en se penchant sur lui. Cependant, l'enfant n'allait pas mieux, au contraire. On le voyait s'éteindre et se plisser comme un fruit qui sèche. Il ne pouvait presque plus remuer. Une humeur jaune suintait de ses paupières, et sa peau était écailleuse. Aline regardait l'ombre se répandre sur son front bombé. Elle pensait « Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ?» Elle sentait des forces invisibles et malfaisantes rôder autour de son enfant. Est-ce qu'elles allaient le lui prendre ? Un tout petit qui n'a point fait de mal ? Et elle pensait « C'est ça qui l'étouffe. Il a des choses qui se couchent sur lui. » La sage-femme avait bon cœur et l'aidait. Le médecin venait aussi. Mais que faire ? Quand la maladie est là, que peut-on contre elle ? Les remèdes trompent le mal. On les prend pour les prendre, et les docteurs font des ordonnances. Mais est-ce qu'on sait où on va ? Les médecins ne sont pas les plus forts. La vie qui est venue sans qu'on le veuille s'en reva, malgré nous, qui sommes peu de choses. On se tord les mains, et elle est partie. Et puis les tout-petits qui n'ont pas de raison ne peuvent pas se défendre. Un jour, il serre les gencives, ils deviennent tout verts, et on dit « il est mort ». « Voilà, disait la sage-femme, ça n'est rien pour les autres, mais quand on pense que c'est ce Julien qui est cause de tout ça... » 4. Julien, toutefois, était en bonne santé et content de vivre. Quand il s'était montré dans le village, après l'aventure d'Aline, on l'avait accueilli comme si rien ne s'était passé. On avait jugé qu'il avait bien fait. Ensuite, ce sont des histoires qui ne regardent personne. Julien payait à boire à l'auberge et ses amis le recherchaient. Et comme on faisait cercle autour de lui, il finit par parler d'Aline. Il disait « Tu sais, c'est qu'elle ne voulait pas me lâcher, comme une sangsue, je te dis, tant elle était prise, hein ?» Les autres admiraient ses cheveux frisés, son front bas, et la grosse veine qui se gonflait entre ses sourcils quand il s'animait. Il pensait « Celui-là, il a eu au moins une femme qu'il aime. » « Oui, reprenait Julien, je lui ai encore donné 2 boucles d'oreilles en or. Elle ne me les a pas rendues. » Il frappait du poing sur la table, en riant. Le petit vin vert, qui sent le soufre, sautait dans les verres. Et, parmi le silence, on entendait un vieux qui disait à la table du fond « C'est une bête qui vaut toujours bien ses 400. » Mais le père et la mère d'Amon étaient inquiets pour l'avenir. Ils s'étaient dit « Où est-ce qu'on s'arrête une fois qu'on a commencé ? Il faut le marier. » Et ils lui cherchèrent une femme. Ils eurent de la peine. Ce n'est pas qu'il manque de filles qui seraient heureuses d'avoir un mari, mais les bonnes sont plus rares, et il faut bien des qualités. À la fin, pourtant, ils trouvèrent quelqu'un à leur convenance au village voisin. Celle qu'ils avaient choisie était riche et fille unique. Et, au commencement de mai déjà, Julien se fiança. C'était le soir. La sage-femme dit en entrant « Il y a du nouveau et du beau. Voilà Julien qui vient de se fiancer. » Aline entendit de sa chambre. Elle sentit comme de la glace, puis comme du feu. Et, depuis ce moment, elle ne sut plus très bien ce qu'elle faisait. D'abord le petit allait toujours plus mal. Il se refroidissait lentement. On avait beau chauffer des linges qu'on lui posait brûlants sur le ventre et mettre aussi des bouteilles d'eau bouillante autour du berceau, l'enfant demeurait engourdi sous ses couvertures. Seul, ses yeux remuaient sans voir. Vers 11 heures, Henriette alla se coucher un moment, car elle veillait chacune à son tour. Aline s'accouda près du berceau. Elle avait perdu conscience de ce qui l'entourait. Elle regarda son enfant. Elle pensa « Quel nom est-ce que je vais lui donner à ce petit ? Henri, à cause d'Henriette ? Ou bien peut-être ? Non. Il faudra en tout cas qu'on le baptise avant 3 mois. » Mais elle se reprit bien vite. « Ah, c'est vrai, il est trop malade. Il faut attendre de voir. » Et puis elle pensa. « Il a une bien grosse tête et les yeux tout collés. Mais il a un peu moins de poils par la figure quand même. C'est des poils qui tombent vite. On ne les verra bientôt plus. » Alors elle se leva et se mit à marcher dans la chambre. Il n'y avait qu'un étroit passage entre le lit et le berceau. Elle allait jusqu'à la fenêtre et s'en revenait et recommençait. Quelque chose comme une main la tenait à la nuque et la poussait en avant. Ses pas retentissaient dans sa poitrine. Il lui semblait qu'elle marchait depuis 2 jours. Elle s'assit. Elle prit les boucles d'oreilles dans sa poche. Elle les tournait, les retournait entre ses doigts d'un air égaré. Elle pensait « Elles sont bien jolies, ces boucles d'oreilles. Si je pouvais les mettre, mais je ne peux pas les mettre. » Il y a du corail au bout. C'est beau, le corail. » Et elle se remit à marcher. Et pour la première fois, songeant au passé, elle sentit la colère et la vengeance dans son cœur. Elle se disait, « Ils m'ont fait trop de mal. Le pauvre petit, c'est leur faute s'il est ainsi. C'est pas pour moi, c'est pour lui, quand on le voit comme il est là. Ah, mon Dieu !» Ses doigts se crispaient comme pour griffer, et ses dents grincèrent. Elle aurait voulu mordre. Elle répétait « Ils m'ont fait trop de mal, ils m'ont fait trop de mal !» Le plancher craquait sous ses pas. Henriette cogna à la paroi et dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien !» répondit-elle. Elle se rassit. La bougie coulait en se consumant. Henriette éternua. et puis on n'entendit plus rien. Elle s'était rendormie. Minuit avait sonné. Tout à coup, Aline se mit à sangloter. Il se fit un grand cri dans sa tête. « Il est fiancé ! Il est fiancé ! C'est fini ! Ah, le pauvre petit, il vaudrait mieux qu'il meure ! Et moi ?» L'enfant remua dans son berceau. Sa respiration était sifflante et rare, avec un bruit de déchirement. Aline considérait son fils de ses grands yeux hébétés. « C'est fini, » pensait-elle. « il va mourir !» Ses paupières restaient sèches. Elle voulut prendre l'enfant. Il vomit une sorte de bile verdâtre. Elle détourna la tête. « Oh non, » dit-elle, « oh non, je ne veux pas !» Les matières épaisses et visqueuses s'étaient répandues sur la bavette et y restaient attachées. Les efforts qu'il faisait tordaient son petit corps. Il semblait que la vie se réfugiait plus profond à chaque secousse pour le faire souffrir plus longtemps. Et Aline frissonna. Et à ce moment, il y eut une force qui vint en elle et qui agit en elle sans qu'elle pût résister. Ses mains s'agitèrent convulsivement. Alors elle replia le traversin sur la tête de son enfant, pesant de tout son poids. On entendit un petit bruit, pareil au murmure de l'eau dans le goulot d'une fontaine. Elle appuya plus fort, on n'entendit plus rien. Elle ôta le coussin. L'enfant avait la bouche et les yeux ouverts, mais ses yeux étaient blancs, s'étant retournés. Un peu de sang avait coulé jusque sur le menton. Elle essuya le sang avec son tablier. Elle se dit « Il est mort, il est mort !» Et elle n'éprouva aucune douleur, mais de la surprise. Elle souleva dans ses bras le petit cadavre, puis, l'ayant étendu sur le lit, s'assit auprès et resta là. Et soudain, elle vit le chameau, le petit singe et la chèvre savante. Tout revivait devant elle dans ses moindres détails. L'homme avait un foulard rouge, le ciel était gris, le tambour battait, le chameau allongeait sa tête pointue. Puis Julien parut sur la place. Il portait un gilet à manches de coutil, et le ruban de son chapeau avait une agrafe d'acier. Elle lui parlait. Il répondait. Le singe agitait son épée, et une petite fille qui avait la coqueluche toussait d'une toux sèche et rauque. Mais ses rêves s'éparpillèrent d'un seul coup, comme le brouillard dans le vent, et elle retrouva le petit cadavre près d'elle. La bougie fumait sur la table. Elle se dit de nouveau « Il est mort, il est mort !» Et alors elle poussa un cri, ouvrit la porte et sortit en courant. La lune, à son dernier quartier, s'était couchée derrière les bois. Il n'y avait que les étoiles et leurs cendres insensibles qui tombaient dans les arbres. La nuit était pure. L'air léger passait par bouffées, hérissant l'herbe. Aline courait au hasard, en plein champ, sautant les rigoles et butant au talus. Devant elle, de vagues formes occupaient l'espace. Derrière elle, sous le ciel paisible, les maisons du village, groupées autour de l'église, semblaient un troupeau de moutons endormis, près du berger debout.